merde, pourquoi ça coupe là? Et the bass? Il y a un bass, une basse ou non? Basse? Allez, vas-y, attends, fais voir. Ah merde, pourquoi ça me coupe le truc? C'est normal. Tempo 110. Certain.